C'est vous, monsieur Fred ? L'ours ! Chercher du flou pour s'amuser. Bah oui, on s'est pas fait. Il m'est parti de quoi la peine. Les moustons dans la gamelle. Quand on se n'est pas ravisé. Nous nous agrèvons sans passant. Surprenant, n'est-ce pas. Quand la dégouille en caca. Il s'éteint de notre course. J'vous assure, le verre d'un ours. Des briniques, plein le cul. Quand c'était résolu. Le cœur plein de remords. T'attends l'ouverture du café d'espoir. L'ours. Yeah, yeah, yeah, yeah, l'ours. Yeah, yeah, yeah, yeah, l'ours. Yeah, yeah, yeah, yeah, l'ours. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pour s'amuser, dans le noyau, on s'est pas fait. Il m'est parti d'être quoi la peine.